Salut Alain, passe le CLM à Ali et au rappeur Alish. Putain, j'ai vu que pour toi dans le rap ça marche, ouais. Psa Tech, pour ta tournée sur Paris, tu nous l'as même pas dit. Et pour ton premier clip, t'as été financé par la mairie. Dans le Tarn, beaucoup de gens rient. Comment ça, t'es boycotté? T'as pas le droit en concert de poser. T'es distant avec les gadjis. Les MC racontent que t'as pris la grosse tête. Pourquoi avoir quitté l'armée vocale? Trop de rumeurs circulent dans ton hall. Je veux des réponses franches et pas de mensonges. Des rumeurs se naviguent derrière ton dos. Tu prends de l'importance et même beaucoup trop à ton goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. Des rumeurs se naviguent derrière mon dos. Je prends de l'importance et même beaucoup trop à mon goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. Et c'est l'un poteau déjà pour commencer. Alain, Ali, Lich, c'est la même personne. Donc faut leur dire que je suis d'origine créole et de religion musulmane. C'est le mec, mais je comprends pas de quelle tournée tu me parles sur Paris. J'étais là-bas, oui, mais pas pour le rap, mais pour essayer de créer ma vie. Ça n'a pas marché, donc je suis revenu sur Albi avec l'espoir de me relancer ici dans la vie active, mort de rire. Mais c'est quoi encore ces conneries? C'est le shit qui a payé mon clip et pas la mairie. S'il te plaît, va leur dire c'est à cause de ma route martyre. Si je suis boycotté, mais je m'en balèque, ça m'a aidé à me lancer. Même si j'ai toujours pas percé, j'ai pas, j'aurai jamais la grosse tête. Je respecte que les personnes qui méritent d'être respectées. J'aime tout le monde, c'est eux qui m'aiment pas. Pourquoi j'ai quitté l'armée, ça ne te regarde pas. Désolé si cette question, la réponse, y'a que les concernés qui le savent. Des rumeurs se naviguent derrière ton dos. Tu prends de l'importance et même beaucoup trop à ton goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. Des rumeurs se naviguent derrière mon dos. Je prends de l'importance, c'est même beaucoup trop à mon goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. C'est des ouf les gens quand même. Y'a trop de rumeurs qui circulent. Pourtant, je suis juste un rappeur des halls qui mène chaque jour sa propre bataille. Ne me calcule pas, y'a que Dieu qui peut me juger. Pas là pour plaire aux meufs ni pour des histoires de seuf. Ce qui m'intéresse, c'est de ramener du bif sur mon compte. Fuck les rumeurs, planque un studio. Des rumeurs se naviguent derrière ton dos. Tu prends de l'importance et même beaucoup trop à ton goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. Des rumeurs se naviguent derrière mon dos. Je prends de l'importance et même beaucoup trop à mon goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. Des rumeurs se naviguent derrière ton dos. Tu prends de l'importance et même beaucoup trop à ton goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde. Des rumeurs se naviguent derrière mon dos. Je prends de l'importance et même beaucoup trop à mon goût. Dans cette vie de merde, les gens parlent pour raconter que de la merde.